J'aime tes yeux quand ils se teintent d'une lumière noire. Sans prendre des allures de sainte, tu me donnes à voir mes indignations sincères. J'aime quand je me reconnais dans tes colères, que le même feu qui bouillonne au fond de toi bouillonne au fond de moi. Les vastes plaines de vierges à nous, tu m'y promènes le monde, t'es sûr, t'es grand chemin. Bien sûr, j'aime bien trotter sur le bord du sentier, prendre le temps de respirer, un bon débat d'idées sur le dos d'un poney. Mais c'est si bon de s'emporter. Les vastes plaines vierges à nouveau, tu m'y promènes, montes sur tes grands chevaux. François Rondel à la clarinette. J'aime tes yeux quand ils reflètent mes lumières blanches. Ils recomposent la palette de mes rages franches. Sache alors que je suis fier dès que tu te reconnais dans mes colères, et que le même feu qui bouillonne au fond de toi bouillonne au fond de moi. Les vastes plaines vierges à nouveau, on s'y promène, montés sur nos grands chevaux. Les vastes plaines vierges à nouveau, on s'y promène, saxophone ténor. Grosse performance.